du message à la prod, ma gueule. Ok, ok, j'arrête après le 20 balles. Ok, j'arrête après le 20 balles et c'est ce que je me dis tous les jours. Je paranoïe après 20 balles et je sais plus ce que disaient mes genoux. Ne m'en refais, m'a brisé les genoux gros. Je passe, tu kifferais. En rêvant, j'avance pas, bordel, c'est quoi ce truc qui freine? Et c'est quoi ces rêves de merde là? Je suis si loin de l'Himalaya. Je me sens mal, j'ai le mal de mer et je vomis devant du Will.i.am. Ça fait fuck tes black eyed peas, ça ouais, mon sens envoie l'espèce. Quitter la zone, on espère. Plus détaillé, plus taillé, partir loin comme à Pattaya, wesh. Envoyer la pote là, y'a les gros chèques pour payer le loyer. J'ai le frigo vide et la tête pleine. T'entends pas, je parle de ma merde, j'entends parler que la hassel blesse. Fais vomir aux autres du nord. Maison privée d'eau, ma salle de bain c'est celle d'une autre. Vu que tu connais pas, ouais. Vas-y, chauffe les casseroles et je me le gèle comme au Népal. La tête de moi, j'ai pas de chauffage, et gamin, j'avais pas de doudou. Aussi vrai que tu rentres chez moi, mon ref t'enlève pas ta doudoune. L'humidité, ça pue le clébard. L'odeur du tabac frais, me rend pas qu'il squatte le bar. Et ma jeunesse m'a balafré. Dire à lui, c'est par la frère, mère, tu berces par la fête. C'est pour toi qui connais la hesse, c'est pour toi qui grandis trop vite. T'as compris, je laisse là trop de vide, je les vois s'inventer trop de vie. On sourit, on cache nos peines et ça se passe comme ça chez les pauvres. Cette année de ma vie, ma gueule à me laver chez mes potes. A crier sa mère la pute, nique la police chez les porcs. Ouais, l'adrénaline, Mamadou. C'est pour la Madrid, Malik. C'est pour Villeneuve et Mamadou. Ça fait celle-là, c'est pour les refs. Tu connais dans le fond, je suis triste et je suis perdu dans le fond de mes rêves. On s'embrouille pour des 100 dollars. Je vais vite vous redescendre de là. J'oublie pas tous ces mes 10 ans. T'auras pu plus, c'est trop old school. Tu kicks comme quand j'avais 10 ans. Dis-leur Willy, je verse que des larmes à chaque écoute de mes couplets. Attends, 2 minutes, je m'étouffe. J'ai que de la rage et là, je m'étouffe. C'est pour FLM, fou la merde. C'est vrai, le temps passe. Ouais, mon suisse, c'est rien à foutre. On se fout la même. On m'a dit que je suis fou la mec. Ouais, je t'attends pas, je débite sa mère. Ah, merde, j'ai même pas où ça. On se voit là-bas, j'arrive à ballon. De temps grosse compète sans complexe. On s'affiche au complet devant plein de foyers. Je fais le foyer, t'as capté, je pars au quart de tour. Je prends la rocade rabatte la nuit quand j'en ai marre de tout. T'as compris, je compte même plus les bornes. Je repense à ma journée de merde, mec, je suis trop nerveux sur les bords.